les avez vus. Vous les avez connus. Le Macumba, le Zénith, l'Acropolis, les bains-douches, le pick-up, le palace. Et puis, il y avait la nuit des temps. Un club dans le nord de la France qui avait pour particularité de programmer des sons dans tous les sens. De la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. One, two, three. Got me? En 2014, trois îles du Japon ont connu une prolifération massive de lapins, de petits chats et de cerfs. Ces îles sont aujourd'hui des attractions pour les touristes. En 2014, l'animatrice Hélène DeGeneres fait un selfie qui deviendra peut-être le premier mondial avec Meryl Streep, Brad Pitt et Jennifer Lawrence. On l'a tous en tête, ce selfie. Et puis en 2014, Jay-Z et Solange, la sœur de Beyoncé, s'engueulent dans un ascenseur et la vidéo fait aussi le tour du monde. À part ça, la Russie envahit la Crimée et des combats éclatent à l'est de l'Ukraine. Bienvenue en 2014, bienvenue dans la nuit des temps, année 14. Et ce soir, c'est Tonton Camille à la programmation. One, two, three. Got me? La nuit des temps, Radio Dio. Direction Baltimore. Cashon et Herring suivent des études en art. Et puis tiens, pour mieux réviser un examen, ils invitent Adam Beebe qui est disquaire et Kimia Nawabi, une autre étudiante en art, et tout ça pour jouer des percussions. C'est ainsi qu'est né Future Island. Home isn't open. It's like when you get here. The tracks by the creek bend. The minnows, the body. Crawdads with the hits down low. Back in the tall grass, stinging my cocktails. Whoa, looking for brother. It feels like winter, but it's the heart of the summer. We can't go Sophie, Caroline Polacek, c'est Aiden Dunham, alias le projet pétillant, énergisant, Cutie. Et Cutie a été sans doute l'un des sons les plus dingues de l'année 2014. Hey, Queen Thomas, nous sommes entre la pub et l'installation Arty. En 2014, David Lynch était bien vivant. Hey, hey. Driving around. even though you're so far away. I feel your hands on my body every time you think of me, boy. Every time you think of me, boy. Every time you think of me, boy. Every time you think of me, boy. Every time you think of me, boy. La nuit des temps, l'international de la danse. Moodyman a commencé sa carrière en mixant comme DJ à l'Outcast Motorcycle Club. C'est l'un des plus anciens clubs de motards hors la loi au monde. Il a été fondé en 1935 sur la route 66 à McCook, à deux encablures de Chicago. Et en 1950, ce club a déménagé dans le Southside et été rebaptisé Chicago Outlaws MC. Et c'est ce club de motards qui a inspiré le génial film The Bike Riders, réalisé par Jeff Nichols. Et c'est aussi là-bas qu'a commencé le non moins fantastique Moodyman, que l'on écoute tout de suite, parce qu'on traverse l'année 2014. Surprise. Come. chaos. I'm wondering what it's worth. I know it's Monday morning, I'm still in church. Baby, I wish I could. Lord knows I would. I feel I've done my best. But you still treat me like the rest. La nuit des temps, Radio Duo. C'est un habitué de la nuit des temps. Il avait particulièrement brillé en 2014 avec ce All I Never Need. Et c'est un extrait de son album Our Love qui nous aura bien fait triper. Toujours en 2014. Texte surréaliste, le tout dans des productions hyper soignées. Alors oui, en 2014, on aura fait des ronds avec nos bassins. J'aimerais embrasser ce garçon, mais je ne sais pas comment lui dire. Apprends-moi, apprends-moi, apprends-moi. la nuit des temps, l'international de la danse. Traverser les jeudis soirs de Radio Dio. C'est la longue lignée des groupes qui vivent en famille, femmes, maris et enfants, et tous ensemble ils font de la pop. Peaking Lies, Breakdown, et nous sommes toujours dans l'année 2014. Vision, it's filling me with home. Wherever I end up, wherever I roam. I got a television, it's filling me with home. I got a phone, it beeps, makes me know I'm not alone. I got a phone, it beeps, makes me know I'm not alone. Wherever I end up, I sleep like a stone, yeah. I got a phone, it beats, makes me know I'm not alone. My head, my shoulders, knees, and toes. My head, my shoulders, knees, and toes. My head, my shoulders, knees, and toes. They're running everywhere in between. My head, my shoulders, knees, and toes. My head, my shoulders, knees, and toes. My head, my shoulders, knees, and toes. They take me where I want to be. Circles now. Oh, can I find him? Who knows where I come from? All around the party, we're staying in circles now. I had a threat before, now I don't know where it's gone. I had a threat before, now I don't know where it's gone. Oh, how did I get here? Did it say when I was young? I had a threat before, now I don't know where it's gone. I got a television, it's been. Encore un couple à la scène comme à la ville. Ça devait être le truc en 2014. Love and Music. Et cette fois, il s'agit de la musicienne multi-instrumentiste et chanteuse Amelia Miff et du producteur électronique Nick Sunbarn. C'est le Free. C'est presque Baba. C'est Love de Sylvanesso. Folk, électro, minimalisme et dance. La nuit des temps, Radio Duo. la question est une réponse. Si une réponse est une question, alors la réponse a un sens. Quand un nouveau sens désigne une vérité, la vie accélérée apporte l'avenir. Surtout, surtout, lorsque le futur disparaît. Voici Temples. A question is not answered. Et nous sommes toujours en 2014. La nuit des temps, l'international de la danse. Dreams. Tonton Camille l'a mis en powerplay de l'année 2014. Future Islands qui n'est pas sans nous faire penser à Tinder Sticks ou à David Bowie. C'est dire si c'est un compliment, c'est dire si c'est beau, c'est dire si c'est entraînant, c'est dire si c'est un phare dans la nuit. Lighthouse. Future Islands. 2014. When I couldn't see you for the world, what was that you said? What was that you said before you called? And when I couldn't catch you for the fall, what was that you said? What was that you said? Nothing hurts this much. I've seen the way that bodies lock and bodies tend to break. I've been away, I've been away too long to be afraid. But you know what you know. Déjà l'heure de fermer les portes de notre bon vieux club, un club réglé ce soir, pile, sur l'année 2014. ce soir, Tonton Camille a programmé ce qui reste, ce qui flotte, ce qui se poursuit dans nos oreilles depuis 11 ans. Nous avons fêté la nuit des temps de l'année 2014 avec sur le dance floor ce soir Kid Francescoli, qui à l'époque était encore avec Julia. On a également reçu les Baltimoriens de Future Islands en power play de cette année. Cutie, alias Aiden Dunham, et son univers arty et pétillant comme une boisson énergisante. On a également reçu Cookie, dont le nom semble si vieille école aujourd'hui. Et Moody Man, revenu de son club de bikers forcené. Caribou, lui, resté dans le Grand Nord canadien qui n'est pas à vendre. Yell, tellement mieux qu'une black pop et dance. Et puis également les Peaking Lights, complètement breakdown. Sylvain Esso et sa Folktronica. Run the Jewels, qui court après les Diams. Temples, maudit. Et puis tiens, à l'instant, la dance de Todd Terge, autre habitué de notre dance floor. On a une pensée très très triste avec la disparition de David Lynch, dont la saison 3 de Twin Peaks n'en finit pas d'envahir notre cerveau encore aujourd'hui. Et peut-être David Lynch est-il celui qui a mieux filmé les clubs, les concerts, une forme de danse. Car chaque épisode de la saison 3 de Twin Peaks se terminait par un live absolument somptueux. Alors on lève les yeux vers les étoiles. On lève les yeux dans le ciel de Saint-Étienne et une nouvelle étoile brille un peu plus dans nos cœurs, celle de David Lynch. Quelques instants, quelques bonus, encore 2014, avec un petit passage spatio-temporel vers Angelo Badalamenti qui signait les musiques de films et de séries de David Lynch. Ouvrez les yeux vers les étoiles. Buona notte. Salut! Il est 22h. La nuit des temps, Radio Duo.